Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Après la pluie, le beau temps. Après les terribles catastrophes faussement naturelles, le grand beau temps. Espérons-le. Espérons-le comme l'espéraient les lecteurs du journal de Tintin en 1958, comme le souhaitaient les auditeurs de France 2 au printemps 1962. Le professeur Milhoc verra-t-il la défaite de ses inventions, pourtant géniales, mais mises au service des méchants, Olric en tête, enfin sinon en tête, du moins en mercenaire ennemi. Les lecteurs savent que oui, mais que même le professeur Milhoc se vengera dans l'album suivant. N'anticipons pas, restons bien sûr, SOS Météore, dont voici les trois derniers épisodes. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les grandes aventures de France 2. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météore, 24e épisode. L'attaque des réseaux internationaux de subversion a été déclenchée en France, dans la région parisienne, où Mortimer est actuellement détenu, plus précisément à la station pilote numéro 1, dont le chef est le génial et dangereux professeur Milhoc. Cette station pilote est constituée par une usine souterraine dont l'équipement surprendrait les savants du monde entier. Là, en effet, ont été construits et mis en place des machines et des appareils capables de bouleverser le temps, de créer des cataclysmes, de déchaîner des cyclones, des pluies diluviennes ou des tempêtes de neige. Tous les points vitaux sont maintenant en état d'alerte. Cependant, le commissaire Pradier et Blake, munis de masques à gaz, foncent vers l'usine souterraine repérée à Toussul-Noble. Arriveront-ils à temps? Là-bas, Sadi, l'homme de main d'Olric, vient d'accomplir une sinistre besogne. Après avoir soudoyé les deux gardes responsables de la vie de Mortimer, il verse dans un flacon de vin destiné au professeur un petit sachet de poudre blanche. Puis, les gardes, en scaphandre jaune, entrent dans la cellule de notre ami. Voilà votre repas. Sandwich et carafon de vin. Eh bien, je suis au moins sûr d'une chose, on ne veut pas me laisser mourir de faim. What? Vite, dans le couloir. Mais qu'arrive-t-il? Enfin, expliquez-moi! Où allez-vous? Où est-il passé? Par ici, chef! Chez lui, j'en suis sûr! Vite, c'est dans le couloir central! Sur qui avez-vous tiré? Bien, on a tiré au hasard! Parce que ça dit, avez-vous quelqu'un qui s'est sauvé? L'autre prisonnier! Et en venant par le couloir, vous n'avez vu personne? Personne! Mais en venant vers vous, on pensait bien avoir à nous servir nos mitraillettes. Non, vous voyez, chef, c'est dit à rêver. Mais pas du tout, je l'ai bien reconnu. Il se sauvait par là. Ça va, allons jeter un coup d'œil de l'autre côté. Vous, les gardes, faites le tour par la grande galerie. Comme ça, pas de danger qui nous échappe. Enfin, si quelqu'un s'est réellement échappé. Je vous jure, chef. Viens avec nous, Sadi. Avec Charquet, on va fouiller tous les coins. Ok. Sadi a bien vu. Un homme s'est échappé et il court en ce moment dans le couloir emprunté il y a un instant par les deux gardes jaunes. Bon sang, s'il me retrouve, mon compte est réglé. Mais c'est qu'ils font pas de cadeaux, ces gars-là. Hein? Ah, des portes. Oh, bon sang, fermé. Voyons la suivante. Encore fermée. Et celle-là. Elle est ouverte. Ouf. Hein? Vous? Oh. Ça alors, monsieur le professeur. Alors. Ernest. Je dirais pas que je suis heureux de vous rencontrer ici, mais enfin, je me sens moins seul. Alors, vous êtes prisonnier aussi, monsieur? Eh oui, kidnappé alors que je visitais le parc. Oh. Mais vous, je vous croyais noyé. Que vous est-il arrivé? Ah, m'en parlez pas, professeur. C'est toute une histoire. Ça, le soir où j'ai été vous chercher à Versailles, je m'en souviendrai, foi d'Ernest. Car l'aventure, moi je peux en parler. Il y en a qui font des milliers de kilomètres pour éprouver des émotions. Eh bien moi, Ernest Brisson, l'aventure, elle est venue me chercher, pour ainsi dire, à domicile. Mais racontez, Ernest. Oui. Eh bien voilà. Après vous avoir laissé près de mon taxi, vous vous souvenez, je suis remonté vers la route. Pendant qu'Ernest raconte son histoire, une frégate bleue ardoise arrive près du camp de Satori. Je commence à étouffer sous ce masque, patron. Ben, si vous préférez être asphyxié par ce satané brouillard... Mais dites donc, mon vieux, vous ne vous êtes pas trompé de chemin, au moins? Ça m'a paru bien long. Je ne crois pas. Mais dans ces cirages, chef, il faudrait pas m'en vouloir. J'ai l'impression que nous sommes sur la bonne route. Vous appelez ça une route, Blake? Eh bien, vous n'êtes pas difficile. Mais qu'est-ce qu'il a, votre moulin? Au nom d'un chien, regardez le niveau d'essence. C'est la panne sèche. Oh, c'est le bouquet. Avoir quitté Paris sans encombre, avoir franchi tous les obstacles et venir s'échouer stupidement à deux pas peut-être de notre objectif. Ne nous lamentons pas, Pradier. Si c'est à deux pas, nous les ferons à pied. Ok. Vérifiez bien les attaches de vos masques. Allons-y. Les trois hommes de la DST et le capitaine Blake se mettent en marche sur un chemin détrempé par la pluie. Au bout d'un quart d'heure, Pradier s'arrête et tend le bras. Regardez les criteaux. Zone interdite, camp de Satori. Une chance. Ce n'est pas tout à fait ici que nous venions, mais enfin, nous allons pouvoir nous expliquer. Une sentinelle, là-bas. Oh! Oh, arrêtez! Police! DST! Il nous fait signe d'avancer. Allons-y. Eh ben, dites donc, ils ont la détente sensible par ici. En ce moment, c'est normal. Quelques minutes plus tard, nos amis sont introduits auprès d'un des rares officiers encore en état de les entendre. Brièvement, Pradier lui expose la situation. Oui, je vois. Il est indispensable que vous nous prêtiez main forte. Votre aide évitera peut-être une catastrophe. Mais c'est une terrible responsabilité, commissaire. Pensez, on a dû mettre sous clé les trois quarts des effectifs. Tous voiliés. Il faut faire quelque chose, lieutenant. Oui, bon. Alors, je mets à votre disposition tout ce que je peux. Pas grand-chose. Trois blindés avec leur équipage. Merci, lieutenant, merci. Suivez-moi. N'oubliez pas vos masques. Et au moment où les trois blindés sortent du camp de Satori, Ernest termine le récit de son histoire. Quand j'ai vu ce sacré brouillard, je me suis dit, Nénès, c'est loupé. Une porte était entrouverte, j'ai bondi à l'intérieur, et j'aime mieux vous dire que c'était moins 5. Pourquoi? Des gars sortaient de partout. Ils portaient des masques à gaz. Ça m'a rappelé la fameuse défense passive en 39. Des masques à gaz, oui. Vous êtes sûr? Ah, certain, professeur. Même qu'un des bonhommes a dit, ce que c'est embêtant ce truc-là. Et un autre a répondu, t'en fais pas, petite tête, les autres seront bientôt là. Mais je comprends, ils ont émis un brouillard nocif pour paralyser les populations et permettre aux para-ennemis d'opérer en toute tranquillité. Oh, c'est affreux, il faut absolument faire quelque chose. Ah, ben moi je veux bien, monsieur, mais quoi? Mon pauvre Ernest, je sais pas, mais c'est bien ce qui me nave. Ah, ben, je sais. Ah, être là, croupir au fond d'une cave alors que là-haut. Ah, puis on étouffe ici. Ça, sans votre respect, hein. On peut pas dire que ça sente bon, hein? Pour comble, il ne me donne à boire que du mauvais vin. Une vraie piquette. Mais tant pis, j'ai trop soif. Ah non, buvez pas, monsieur, buvez pas! Pourquoi? Mais non, non, mais ce vin est empoisonné! Quoi? Oui, professeur, oui. Juste avant d'être opéré dans le couloir, j'ai dû me garer. Trois gars sont passés, et il y en a un qui a dit, « J'espère, ça dit, que le professeur Mortimer a trouvé bon le vin que je lui ai fait porter. » Et un type en casquette a répondu en rigolant, « Avec ce que j'ai mis dedans, on ne le saura jamais, chef. » Je vois, c'est encore un tour de ce scélérat d'Ulrich. Oh, mais ça me donne une idée, Ernest. Ah ben, vous avez bien de la chance, monsieur, parce que moi, pour penser, il faut que j'aie les fesses sur le siège de mon taxi. Oui, ou alors les pieds dans mes pantoufles. Enfin, je crois que nous allons sortir d'ici. Quoi? Oui, seulement après, qu'est-ce que je ferai avec ces menottes poignées, moi? Oui, ça faut dire que comme gourmette, c'est plutôt le modèle robuste. Hein. Oh! Oui. Oh, mais Eureka! Quoi? Dans le placard, je me suis caché tout à l'heure. J'ai vu des outils. Je crois même qu'il y avait une cisaille. Oh, merveilleux Ernest. Hé, hey, avant d'aller fouiller dans le placard, oui. Écoutez-moi bien. Ben, je vous écoute, monsieur. Mon ami, puisque je suis censé avoir bu du vin empoisonné, il serait élégant, je crois, de ne pas décevoir nos geôliers. Alors, je vais mourir. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Je vous dis que je vais mourir. Mais... Dans quelques instants, vous allez voir un homme se tordre sous vos yeux, se tordre de douleur. Vous, professeur? Oui, moi, Ernest. Ah bon? Bon. Mais alors moi, qu'est-ce que je ferai? Rien. Vous attendrez, dissimulé derrière ces caisses. Vous attendrez qu'on vienne. Ben d'accord, tout ce que vous voudrez. Et je vais chercher l'outil parce que... Allez-y, Ernest, allez-y. Mais qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur? Rien, mon bon. Allez vous cacher et vous comprendrez. Il n'y a pas besoin d'explication. Ah bon? Je le prépare, un de ces petits tours, Ernest. Vous m'en direz des nouvelles. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Maurice Ténac, Blake, Jacques Morel, Mortimer, et Jean-Claude Rey, Gaétan Jor, Maurice Chevitte, Maurice Nazil, Fernand Rosena, Robert Chandot, Robert Lombard, Henri Djanik. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Détard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 25e épisode. Dans l'usine souterraine du professeur Milok, près de Toussul-Noble, c'est le grand branle-bas de combat. La machine infernale est en route et l'attaque est déclenchée. Déjà, un brouillard toxique a été libéré sur la région parisienne. Les hommes d'Olric jubilent, car ils pensent investir sans coup férir et grâce à leurs parachutistes tous les points vitaux. Mais la DST a été alertée et le capitaine Blake, ami de Mortimer, a réussi à situer la mystérieuse station pilote d'où va partir l'attaque finale. D'importantes forces ont été mises en place. Cependant, au fond de l'usine souterraine, le professeur Mortimer est toujours prisonnier. Une lueur d'espoir, pourtant, dans son malheur, il a retrouvé, prisonnier comme lui, Ernest, le chauffeur de taxi qui, au début de cette aventure, véhiculait notre ami vers Jouy-en-Josas. Par Ernest, Mortimer apprend in extremis que le vin qu'on lui a apporté est empoisonné. Alors, Mortimer imagine un stratagème. Dans l'espèce de cave qui leur sert de cellule, l'honorable gentleman va jouer une scène capitale. Bon, vous êtes prêt, Ernest? Bah oui, j'espère que ça va. On me voit pas derrière ces caisses? Non, non, pas du tout. Alors, vous agirez dès que je vous appellerai. Entendu, monsieur. Bon, c'est le moment. Ernest, mon ami, puisque je suis censé être empoisonné, vous allez assister à mon trépas. D'accord. Oui, d'abord, je m'allonge par terre. Là, allez, on y va. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ça y est! Je crois qu'il a son compte. Hé! Hey, arrive! Mais qu'est-ce que c'est? Oh là! C'est moi, non? Oh! Allez, Edin, attention, voilà le deuxième. Hein? Tu vas payer cher cette comédie, toi! Allez, à vous de jouer, Ernest, vite! Attrape ça, toi! Oh! Allez! Bravo, Ernest! Bravo! Ah non, c'est plutôt vous, monsieur. Le coup d'attraper le garde par les deux chevilles et de l'envoyer promener avec les deux jambes, alors non, pardon, champion, hein! Et avec des menottes aux mains, encore. Oui, j'ai eu de la chance. Cette sorte de sutemi japonais est très efficace. Ah, je comprends. Mais alors, votre caisse pour le deuxième, c'était pas mal non plus, hein. Bah, j'ai l'impression qu'ils sont au pays des songes pour un moment, hein. Bon, allez, maintenant, Ernest, allez chercher la cisaille et démarrez-moi de ces bracelets. Tout de suite, monsieur. Là, nous endosserons les scaphandres de ces deux gardes et leurs bouteilles d'air, et après ça, munis de leurs mitraillettes, nous pourrons explorer cette satanée usine sans trop de risques. Tendez-vous, monsieur. Tenez, voilà. Ça va pas être long avec cette cisaille. Bon, allez-y. Et voilà. Et bon, by Jove, quelle dextérité. Félicitations, Ernest. Oh, sans me vanter, je peux dire que ces outils, ça me connaît. Allez, bravo. Maintenant, enfilons vite ces combinaisons. Oui. Parce que nous gagnons la première manche, mais le plus dur reste à faire. En un temps record, les deux hommes passent les combinaisons jaunes des deux gardes. Ils fixent ceinturon et bretelles, puis Mortimer ramasse la mitraillette du premier garde. Cagoule baissée, ils sont maintenant méconnaissables. Prudemment, Mortimer et Ernest se glissent dans le couloir. Bon, il n'y a personne, tout va bien. Il faut retrouver le bureau de Milok. Ça doit être par là, je crois reconnaître. Mais attention, Ernest, ayez l'œil, hein. Pour ça, vous pouvez être tranquille, monsieur. Dame, son bureau est vide. Oui. Oui, mais la cloison murale est entrouverte. Oui, alors il est peut-être dans la galerie du hall des accumulateurs. Peut-être. Allons-y et méfiance. Bientôt, nos deux amis arrivent dans la galerie où règne cette curieuse lueur verdâtre. Tout à coup, ils reconnaissent, de dos et assis devant un pupitre, le professeur Milok. Et sans bruit, il s'approche du savant. Quoi ? Qu'est-ce que vous fichez ici ? La place des gardes n'est pas dans la galerie, vous le savez. Et vous baissez cette mitraillette. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous êtes fou, non ? Moi que vous le croyez, professeur. Hein ? Ernest, placez-vous derrière mon honorable confrère et surveillez-le. Compris, monsieur. Bon, et maintenant ? Quoi ? Mais qu'est-ce que vous voulez, vous ? Parlez technique, cher confrère, tout simplement. D'abord, je voudrais savoir comment on arrête cette diablerie. Puisque vous êtes si fort, devinez le don, cher illustre professeur. Prenez garde, Milok. Nous ne sommes pas ici pour jouer aux devinettes. Dépêchez-vous de répondre ou sans cela, je... Allô, ici Alaric. Prenez garde, Milok. Mortimer s'est échappé. Ils sont ici, dans la galerie. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, ne bougez pas, Milok, c'est un ordre. La porte du bureau est bloquée, ça me donne quelques minutes, je vais essayer d'arrêter ça. Oui. Tenez, Ernest, prenez ma mitraillette et tirez sur le premier qui se montrera. Compris, patron. Ah, bon sang, il faut faire vite. Ernest, mettez-vous à l'abri derrière la valve blindée de l'escalier, ça vous fera un excellent bouclier. Oui. Bon, maintenant, Milok, dites-moi où se trouve le bouton d'arrêt de cette machine infernale. Vous ne tirerez rien de moi, Mortimer. Ah, il n'y a aucune inscription compréhensible et pas une commande qui soit à sa place habituelle. Si seulement je trouvais l'interrupteur général. Voyons, ne nous énervons pas. Mais, oh, est-ce que par hasard ce ne serait pas cet interrupteur noir? Dites-moi, Milok, on ne couperait pas tout grâce à cet interrupteur noir? Je vous ai interrogé à son sujet l'autre jour, mais vous n'avez pas eu le temps de me répondre. Votre général vous a coupé la parole. Vous vous rappelez? Alors vous ne répondez pas, c'est que ce doit être ça. Voyons. Ne touchez pas à ça! Mais... Ne touchez pas à ça! Allez! Oh, les gars! Ernest, ne le laissez pas approcher! Le premier qui fait un pas, je le transforme en passoire, compris? Mais là, vous n'avez aucune chance! Vous ne sortirez jamais d'ici! Toutes les issues sont gardées par nos hommes! C'est ce qu'on verra, crapule! Ah! Rendez-vous! Jamais! Fais la volonté! Attention! Pas d'imbécile! Ne tirez pas par ici! Je suis là! Enfin, maintenant, Milok, à nous deux. Où se trouve l'interrupteur? Cherchez-le. Alors, tant pis, vous l'aurez voulu. Allez, allez-vous répondre? Je vous assomme sur ce pupille. Non. À moi, Ulrich. Bande de lâches, attaquez-le. Dites que c'est ce bouton rouge, hein? Mais dites-le. Vous voulez rien dire, alors vous couperez vous-même avec votre crâne. Non, pas ça. Non, pas celui-là. Sauve, tu peux! What? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'arrive-t-il, Milok? Je vous avais prévenu. Vous venez de déclencher le dispositif noir. Le dispositif noir? Oui! Lâchez-moi! Il s'est sauvé! Oh! Regardez, monsieur! Les vitres qui fondent! J'ai l'impression, Ernest, que j'ai fait du propre. Non, vous approchez pas, ces consignes gigantesques sont mortelles. Mais bon sang! Éloignons-nous du pupitre! Laissez la faire, monsieur! Essayons d'éviter les éclairs qui nous environnent. Un seul suffirait à nous transformer ensemble. Alors souhaitons-nous bonne chance! En avant, Ernest, il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard! Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor. Avec Jacques Morel, Mortimer, Roger Carrel, le professeur Milok, Maurice Chevitte, Ernest, Maurice Nasil, Ulrich, Fernand Rosena, Charquet, Gaëtan Jor et Jean Daguerre, les gardes. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langer. Nicole Strauss et Jacques Langer ont adapté et vous présentent en exclusivité Les grandes aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemay. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 26e épisode. La mystérieuse usine souterraine de Toussus-le-Noble est encerclée par les forces de police et, à l'intérieur, Mortimer et son ami Ernest tentent d'échapper à la mort. En effet, cette formidable centrale électrique est équipée de telle façon qu'elle peut provoquer des catastrophes météorologiques d'une ampleur exceptionnelle. Or, Mortimer a déclenché par inadvertance ce que Milok, affolé, appelle le dispositif noir. Aussitôt, du fond de cette station pilote, les sirènes se mettent à hurler. Puis les réserves d'électricité, du même coup libérées, se déchaînent de façon anarchique. Les vitres, le plexiglas, l'acier même, commencent à fondre, cependant que des éclairs mortels jaillissent des accumulateurs et des électrodes. Précipitamment, Mortimer et Ernest descendent dans le grand hall de béton afin d'arrêter cet apocalypse imprévu. Dans le bureau, Milok et ses hommes essaient de forcer la porte pour échapper à cet enfer. Ulrich et Charquet, eux, ont réussi à s'enfuir dès les premières sirènes. Mais rejoignons le professeur Mortimer et Ernest, le chauffeur de taxi. Ils pénètrent en ce moment dans le hall où les machines sont devenues folles. Non mais regardez-moi ça! Le dispositif noir libère toutes les réserves d'énergie accumulées ici et le grand générateur de son côté marche à une cadence accélérée. Oh là là! C'est terrifiant! Oh non, partons, monsieur, partons pendant qu'il est encore temps! Non, non, Ernest, il faut d'abord arrêter ces maudits appareils. Mais écoutez! Nous allons essayer de couper les câbles d'alimentation, venez! Oui, mais pas de plaisir. Pendant ce temps, Ulrich et ses complices sortent de l'usine souterraine. Dans le parc de trous salés, l'effrayant armement conçu pour bouleverser le temps bombarde le ciel. Et pendant qu'un terrible ouragan balaye le brouillard toxique, les bazookas et les canons du professeur Milok crachent des rayons thermiques, des ondes ultra-courtes, des éclairs électriques et des météores artificiels, en gerbes foudroyantes. Et maintenant, bloquez-moi cette dalle! Tant pis pour les retardataires. Mais chef, et le général, et Milok... Pas le temps de faire du sentiment, la dalle! Bien, chef. Mais dites donc, patron, là, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, maintenant que c'est déclenché? Mais jamais on en sortira vivant! Mais tonnerre, vous êtes des hommes ou des souris? Oh, ben... Y'a pas de quoi s'y faire. Planquez-vous dans les anciennes écuries, attendez-y la fin de ce feu d'artifice. Pour le reste, faites-moi confiance. Je vais partir en reconnaissance avec Freddy et Sadie. Exécution! Dac, patron, allez vous autres! À l'abri dans les écuries, là. Ouais, j'aimerais quand même bien que ça soit fini, hein! Sadie! Oui, chef. Sors la bagnole en vitesse. Je te garantis que les barrages de CRS ne nous arrêteront pas. Compris, chef. J'y vais. Ulrich et Sadie s'apprêtent à abandonner leurs complices. Or, en ce moment même, trois blindés s'engagent sur le chemin de la jeunesse. Dans l'un d'eux ont pris place Blake et Pradier. Arriveront-ils assez tôt pour sauver leur ami? Avec cette base, je vais mettre les accumulateurs en court-circuit. Attention, Ernest, ne vous approchez pas. Malheur, son appareil respiratoire a touché un émetteur d'infrarouge. Ernest! Ernest! Les malheureux, son corps reste suspendu à l'appareil et le voilà qui s'élève. C'est affreux, il faut le tirer de là, je vais m'accrocher. Le plafond s'ouvre pour laisser passer l'émetteur. Nous sommes en pleine anticipation, Mortimer. Pourvu que ce pauvre Ernest ne soit pas mort. Oh, quel arrêt brutal! Tiens, je suis sous une coupole. Et cette fente qui s'élargit, voyons ça. Oh, le parc de trous salés. Tout est en feu. C'est hallucinant. Et le château en flammes, on dirait la fin du monde. Bon, moi aussi, ça aurait bien pu être la fin du monde. Oh, Ernest! Ah. Vous avez dû prendre une décharge. Ah, pas de doute là-dessus, monsieur. J'ai fait un bond et plouf, le noir, pluriel. Et... Ah. Vous revenez de loin, mon cher Ernest. Oui, et c'est pas encore aujourd'hui que j'irai voir de l'autre côté ce qui se passe. Oh. Oh, mais alors là, dites donc, vous parlez d'un spectacle. Comme mise en scène, c'est réussi, oui, hein. Ce sont leurs batteries qui ont déchaîné cet orage. Et après ma syncope, en bas, comment ça s'est passé? J'ai compris que ce fameux interrupteur noir sur lequel Milok se cognait la tête, oui, déclenchait un dispositif d'autodestruction. Ah, le fameux dispositif noir? Oui. En quelque sorte, cette usine du diable est en train de s'aborder. Pour le plus grand bien de la civilisation. Ah oui, alors. Pour l'instant, nous sommes encore protégés par les épaisseurs de béton du hall central, mais il vaut mieux prendre du champ. Sortons d'ici, Ernest. Cet endroit est devenu parfaitement inhabitable. Oui. Et les autres? Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Rick et Sharkey ont réussi à sortir de la galerie. Ah. Quant à Milo, je ne sais pas. Tenez, venez par ici, Ernest. Nous devrions arriver sur la manufacture au bout du parc. Mais pressons-nous, monsieur. J'ai l'impression que la température augmente. Hey, let's go. Regardez, j'ai fait... Tout à coup, surgissant d'un mur de feu, une DS-19 passe en trombe et fonce vers la grille du parc. Fonce, Sadi, fonce! Mais regardez le chemin, chef! Tant pis! Attention! Un virage! Oh, on fait un blindé, mais break, break! Mais break! On est foutus! Mais break, Sadi, break! Allons, approchez! Dites donc, de ces trois oiseaux, lequel est Ulrich? C'est justement ce qui m'ennuie, Prady. Ulrich n'est pas là. Quoi? Non, il nous a encore joué. Tonnerre! Dites donc, les gars, mettez-moi tous ces gens-là au sec. Et attention, c'est du gibier dangereux. Allons, en avant! Et les mains en l'air, toujours! Oh, Blake! Hein? Blake, c'est moi, j'arrive! My Lord Mortimer! Non! Mais si, c'est lui, ce cher Philippe. Venez, Pradier, nous allons au-devant de lui. Que vous est-il arrivé, my friend? Oh, le chien! Mais qu'avez-vous? Je vous expliquerai plus tard. Regardez le chien, il faut le suivre. Vite, suivez-le! Allons-y, Pradier, Philippe doit avoir ses raisons. D'accord. Trois hommes avec nous, vite! Eblis, le terrible doc de Sadie, conduit nos amis près de l'étang à la sortie de ce tunnel sous lequel Mortimer, vous vous en souvenez, faillit se noyer un soir. Vous allez voir, une bonne surprise. Gâtez seulement ce trou sous la maison. Et vous, les enfants, le doigt sur la gâchette. Enfin, Philippe, me direz-vous. Je vous raconterai tout, Francis, mais d'abord, il faut... Le voilà, enfin! Bonjour, colonel Ulrich. Soyez le bienvenu. Ulrich? Oui, c'est lui. Par ici, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter le comité d'accueil. Capitaine Francis Blake, de l'Intelligence Service. Commissaire Pradier, de la DST. Et quelques autres qui, désormais, vont prendre soin de vous. Vous chantez trop tôt victoire. Dans quelques minutes, les nôtres seront là. Rien ne pourra les arrêter. Ma mission a réussi, Mortimer. Ne vous en déplaise. Erreur, mon cher. Erreur. Votre station pilote est détruite. Vos principaux réseaux sont désorganisés. Vos supérieurs presque tous arrêtés. L'alerte générale et tous les points vitaux sont gardés militairement. Votre attaque surprise, Ulrich, est manquée. Mais vous resterez avec nous quelque temps. Nous avons de tas de choses à nous dire. Oh, ça va garder vos boniments et que le diable vous emporte tous. Désolé, Ulrich, mais vous êtes mat. Rappelez-vous, Mortimer. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Vous gagnez cette partie, mais le jour où je pourrai prendre ma revanche, elle sera terrible, Mortimer. Terrible. Ulrich et ses complices sont mis hors d'état de nuire. Leur entreprise de destruction a échoué. Tous les responsables, à tous les échelons, seront châtiés. Ainsi, grâce à quelques hommes justes et courageux, disparaît un danger terrible qui menaçait notre liberté. Cette grande aventure se termine donc bien pour nous tous. Souhaitons qu'il en soit de même dans la prochaine histoire intitulée « Le piège diabolique ». Dans la série « Blake et Mortimer » d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météore, avec Jacques Morel, Mortimer, Maurice Ténac, Blake, et Robert Chandeau, Serge Sauvion, Maurice Nasil, Maurice Chevitte, Michel Puterflam, Henri Djanik. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langet. Vous gagnez cette partie, mais le jour où je pourrai prendre ma revanche, elle sera terrible, terrible, disait Ulrich à l'instant. Mais des parties, il en perdra d'autres, comme on le sait. En attendant, sachez que ces trois derniers épisodes ont été diffusés pour la première fois sur France 2 les 8, 10 et 12 mai 1962.